L'agonie, chapitre 12. Il caracolait à côté de la litière, Madé, essayant de saisir le timbre de la voix d'Attilia quand ses yeux rencontraient les siens. Elle et Sémia se vautraient sur les coussins, les seins nus hors de la cyclas, les cuisses nues, laissaient voir un commencement de sexe épilé et étalant des chevelures audacieusement coniques, piquées de perles et de pierres. Parfois, dans le balancement des épaules des porteurs, elle disparaissait, s'enfonçait puis rebondissait, et, à travers la fumée des parfums brûlant aux quatre coins de la litière, à travers le flottement des draperies, on les revoyait en une vision de chair offerte à tous les regards. Madé aimait fort ainsi Attilia, et quoiqu'un sentiment, encore informulé en son obscur organisme d'Éphèbe, à peu près désexualisé, le porta vers elle, nulle pensée jalouse ou concupiscente en lui ne naissait. Sacrifié qu'il était depuis sa jeunesse au soleil, consacré à la pierre noire et donné à l'amour mâle. Il était presque du sexe d'Attilia, car comme une femme, il appartenait à l'homme par Attilius. Tout à la joie d'être auprès d'elle, il n'entendait rien, il ne prêtait attention à rien. Un moment, Gaël appela « Madé, frère Madé !» Mais cette voix se perdit dans la rumeur de la cérémonie. La procession gravit les voies du Palatin, d'où du Forum Romanum s'apercevaient, blanches et jaunes, les façades, surtout les verticalités planes de l'Arx, la forteresse du Capitole, vers laquelle on accédait par un large escalier. C'étaient beaucoup de temples et d'édifices, des arcs qui, aux deux extrémités, s'enfaciaient, des portiques sous lesquels des individus s'animaient, des basiliques et la grécostasis, où l'on donnait audience aux envoyés des nations étrangères, principalement aux ambassadeurs grecs. Le forum fourmillait de gens à toges, à tuniques, à pallium, à diploïs, têtes nues ou coiffées de bonnets strobilés, de pétases tombant par les bords, de calanthias égyptiennes, de torulus d'étoffes voyantes, semblables à des turbans, de ténias serrant des branches de chêne ou des rubans autour des fronts. Ces gens regardaient d'en bas le cortège, nez à l'air, yeux grands ouverts, ventre en avant et jambes écartées, soutenant leur buste roidi, pour mieux le voir se déployer et disparaître derrière des amas de maisons de la région. Où son déroulement, piqué de la tiara d'Elagabalus, dominant tout au haut de son tronus, fit une tache de choses disparates qui éblouirent un instant, mêlées à un peu de fond du ciel bleu. Au milieu d'une place rapidement envahie, le temple du soleil, blanc, rond, cerclé de colonnes, élevait son faîte aux frises régulières. Gaël et Atta virent l'empereur, Sémias et Attilia, les prêtres du soleil et des divinités universelles, les porteurs des objets sacrés, Attilius et Madé, puis les victimes, poussées par des soldats, gravirent ces marches, pendant que sur la place piétinaient les chevaux, les esclaves et le peuple immense, débordant. « Je ne le verrai pas, je ne lui parlerai pas, » dit Gaël à Atta qui insinua. « Prends patience, la patience est une vertu de Christos. » Et lui-même jetait ses regards fréquents autour de lui, espérant revoir Amon et Zopiscus, car le soleil roulait au centre du ciel et la faim le torturait et la Séna était perdue. Du temple s'élevait une voix juvénile et des chants de prêtres au rythme lent et comme une éclatante invocation à la pierre noire. En une langue inconnue, Des hommes modulaient des prières de furieuses amours qui firent reculer d'horreur de vieux Romains, sectateurs des dieux occidentaux. Puis des cris, des meuglements de bœufs égorgés, des plaintes de brebis et de moutons sous le couteau des sacrificateurs. Et un tumulte de boucheries innommables, un roulement féroce de coups, toujours dominé de la voix, et fraîche, et nette, et limpide, d'un timbre exquis, d'Elagabalus adoré, comme le dieu vivant du soleil. Les portes de bronze aux clous d'or s'ouvrirent. Du sang coula des marches en filets serpentants, baignant le sol, pendant que chacun s'effaçait en des mouvements de recul. À l'intérieur, des lumières de torches et des étincellements de mitra, et, sous un dé avançant ses tentures supportées par des lances inclinées, et la Gabalus bénissant avec le cône noir les grandes manches de sa robe rouge alourdie sous les rubis, les chrysolites, les améthystes, les topazes, les émeraudes et les perles qu'il a tramées, les plis tombants de l'étoffe épaisse lui baisant les pieds blancs, hissés sur l'escabeau qu'on ne voyait pas. Derrière, Sémias et Attilia, assises sur des ocladia grecs ployés. Autour, dans l'ampleur conquête des fonds, des prêtres dansant au son d'une courte flûte et d'un tambour bas. Au milieu, sur un échafaud, des cadavres d'animaux qui pantelaient. Un grand silence, puis une immersion lumineuse d'Elagabalus qui vira dans l'éblouissement de son tronus et donna le signal du retour. Et il se fit, au soleil brutal noyant tout au dehors d'une lumière crayeuse, un grand écoulement d'hommes et de chevaux, un désenlacement des prêtres, des prétoriens et des musiciens, suant et glorieux dans leurs robes et leurs armures, en une suite somptueuse au-dessus de laquelle se balançait, tel qu'un large radeau, la litière de Sémias et d'Attilia, bordée de madets, caracolant, qu'à la tête des cataphractaires précédait Attilius, un glaive au poing. Madé repassa devant Gaël. Même son cheval noir ébroua fortement sur la tête crépelée du potier, qui appela la franchie, mais en vain. Pourquoi Madé l'avait-il oublié? Et Gaël, se tournant vers Atta, s'exclama, tout confus. « Que lui ai-je donc fait à mon frère Madé pour qu'il ne m'entende pas ?» Atta ne lui répondit pas. Atta avait disparu, entrevoyant, dans un éloignement de curieux, un effacement d'épaules qu'à leur flexuosité il prit pour celle de Zopiscus. Et effectivement, Zopiscus était à quelques pas, ne lâchant plus Amon, se cramponnant à lui, et déjà lui parlant d'une taverne sur l'Esquilin, où l'Égyptien trouverait, pour la Senna désormais conquise, en su de l'oseille cuite, des champignons, des sardines et des œufs ordinaires, d'excellentes fritures, de succulents beignets, du gras double bien assaisonné, des vins de choix, et même de jeunes prostituées mâles, que des poètes de sa connaissance avaient chanté. Amon avait faim, et, se sentant perdu dans Rome, qu'il avait à peine parcouru depuis son arrivée, il acquiesçait du chef, quand, fendant la foule avec une extrême sveltesse, Atta le prit par un banc de son diploïs. « Allons, à la Senna, je t'emmène près du Capitole. Nous mangerons de l'oseille, des choux, des champignons, des sardines et des œufs. » Mais furieux, Zopiscus, le tirant par un coude, hurlait « Viens avec moi sur l'Esquilin, des fritures, des beignets, du gras double et du vin adouci dans du miel. » « La prostituée Antistia, viens ! Des jeunes garçons, à moi !» Il renchérissait, se pourléchant les lèvres, gourmant par avance d'Antistia et des jeunes garçons, dont il comptait bien user autant qu'Amon. Mais celui-ci se contentait de le regarder tour à tour, écartelé et comique sous la calantica, dont les ailes pleuvaient sur ses oreilles abasourdies. Il ne les comprenait pas bien. Enfin, il fut bonhomme. Il les accorda tous deux. « Je vous suis, je suis avec vous. Emmenez-moi à la taverne qui est voisine de ma maison. » Alors Atta et Sopiscus se radoucirent. Dans la foule qui s'épuisait, ils le prirent chacun par un bras, en bons amis, pendant que Gaël, tout seul, se répétait, en un navrement, « Que lui ai-je fait à mon frère Madé pour qu'il ne m'entende pas ? Je lui aurais demandé que l'empereur adora Christos au lieu de sa pierre noire, et parlé des bords de l'Euphrate où nous avons vécu. »